matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h. Ça va? Wow, c'était autoritaire. C'était comme ah ouais, bonjour. C'est... Wow. Ouais, non, autoritaire mais... et en même temps plein d'énergie. Ouais, c'est ça. Mais... c'est... voilà. Ouais. Ça va quoi? Oui, toi, ça va. Toujours les mêmes. Jocelyn, ça va? Ça va et toi, mon Kiki, mon Tristan? On dirait pas que tu t'es réveillé depuis une heure, toi. Une heure et quart, pour être objectif. Du coup, il guette. Alors, pour savoir, il guette ma voiture parce qu'elle est mal garée pour voir s'il n'y a pas un méchant qui vient. Elle est mal garée à hauteur de 135 euros, finalement. Voilà. Non, mais arrête de regarder, t'inquiète, reste avec nous. Ok, je suis avec toi. Voilà. Moi, j'assurerai la surveillance. Et la voiture. J'ai perdu la responsabilité de cette affaire, ça m'arrange. Merci. Voilà. Et la voix que vous entendez, c'est James. Ça va, James? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, merci de me demander, je veux dire. Et James, tu m'as demandé un petit encart pour faire de la promotion. Tu sais quoi, on va commencer avec de la promotion parce qu'on va rien faire comme d'habitude dans cette émission. D'accord. Eh ben, écoute, ça va commencer par de la promotion. Alors écoutez, mesdames, messieurs, si vous aimez sortir de chez vous le soir pour aller voir des spectacles vivants, je vous propose non pas un, mais deux spectacles. Trois, parce que finalement, je vais aussi faire de la promotion. Ah, d'accord. Pourquoi j'ai proposé de faire la promotion en début d'émission? C'est une émission promotion. C'est exactement. Demain, à la MJC Étoile, c'est situé à Vendeuf, c'est une magnifique MJC dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds encore. Vous pouvez retrouver une compétition d'improvisation théâtrale qui s'appelle la Stan Cup. Mais non. Donc, c'est la plus grande compétition d'impro de l'Est, voire de l'Est du monde. Et. Je serai amené à jouer l'un des deux matchs qui vous est proposé, mais c'est du grand niveau d'improvisation théâtrale. Je vous invite à venir à la 20h30 à la MJC Étoile, c'est magnifique. Et le lendemain, si vous n'avez pas pu, si vous avez pu, que vous avez aimé et que vous trouvez que je suis excessivement beau... Vous êtes des mordus d'impro de James. Exactement, vous pouvez revenir, mais pas à l'MJC Étoile cette fois-ci, au Théâtre de la Source à Tomblaine à 20h30. Donc Tomblaine, hein, c'est une nouvelle destination pour l'improvisation théâtrale nancéenne. D'improdisiaque, voilà. La compagnie, effectivement, s'appelle Improdisiaque. C'est à nouveau un match d'impro, donc c'est très vivant. Je vous invite à venir à 20h30. Je serai également sur scène. De là à dire que c'est mon métier d'être improvisateur, je n'irai pas jusque-là. Mais enfin bon, j'en fais beaucoup, quoi. Effectivement. Ok, merci pour cette promotion. Et alors là, il y a battle. Vraie compétition, là. Demain, vendredi 14 novembre, ce n'est pas un, mais deux concepts en un qu'il y a au Bar du Cristal. Mais il y a... un groupe de jazz composé de 6 jazzmen, 6 personnes vont jouer des instruments réels, que des vrais instruments, pas de synthé, pas de d'IA. Bip bip, pas de IA. Et en parallèle, j'invite Timmy, chef barman de la Nona, le restaurant italien par excellence nancéen. Il vient ramener ses cocktails, mes cocktails, nos cocktails sur un événement éphémère qui est demain, en même temps que le jazz. Ça va être zinzin, ça va être foufou, ça va être zinzin foufou. Donc on peut allier les deux. Hein. On peut aller demain à 19h boire un cocktail et puis partir vite fait à la MJC et tout. À la Stan Cup, ouais, voilà. Bon, ouais. Ça, de 19h à 20h, un peu de jazz, un peu de cocktail et après ça file à Vendeuve. Bon, très bien. Hein. Bah, je vais terminer la promotion. Et limite, ça revient après. Ça prend le Dijon et on discute. Ouais. Voilà, c'est et ça après, aussi l'ambiance. Dites, tiens, si j'allais pas au Luxembourg, parce que samedi soir à 20h, je joue mon spectacle absurde au Théâtre Le 10 à Luxembourg, rue Thunedorf. Et puis dimanche, si vous avez envie, bah, je joue encore mon spectacle. Mais quoi, mais tout le monde joue tout le temps ici. Ah, c'est fou, ouais. À Gravelotte, à côté de Metz, à 15h. Comment on appelle les gens qui habitent Gravelotte, tu penses? Les Gravelotois. Oh, et on les salue. Ben, je demanderai, puis je vous dirai à la prochaine émission. Petite question d'un point de vue showbiz, Tristan. Est-ce que ta parution dans le film là, de Jérôme Commander, oui. Est-ce qu'il marche d'ailleurs ce film ou pas? Alors, non, oui. Alors, personnellement, je ne l'ai pas aimé. Ah ouais? Ce film. Okay. Ouais, je suis désolé de ne pas faire de la bonne pub, mais on me voit bien. Hein, ah bah super. À pousser le cercueil. Mais ouais, non, il y a un truc. Alors, mais pour autant, la première semaine, le premier jour est un relativement bon démarrage. Après, il y a un super casting. Oui. Mais voilà. Il est sorti qu'hier? Non. D'accord. Et du coup, est-ce que penses que ça t'a amené des spectateurs qui t'ont vu dans le film ou pas du tout? Je reçois quelques petits messages en me disant, hey, je t'ai vu. Ok. Voilà. C'était déjà des spectateurs. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont allés pour me voir. Il y a quelques copains, ouais. Et trop choupi. Et il y en a, c'était pas prévu. Et ils me disent, eh, mais je savais pas. Eh, c'est ton père aussi, parce que ma fille me dit aussi qu'elle a des, ah, d'accord. des messages. C'est ton père. Voilà. Mais ouais, non, ce film, c'est pas assez dommage. Il y avait tous les ingrédients, mais c'est. Y a la cuisson n'était pas bonne, quoi. Ouais, voilà. Et ta scène a été entièrement laissée ou il y a eu des petits coups, des petits non, cuts Non, il y a eu des coupes. Il y a eu des petits cuts. Ouais, ouais. Je parle normalement et là, je parle pas. Ah. Dans le film. Voilà. Mais c'est après, un dommage, c'est un film d'une heure trois quarts. Donc, pour une comédie, c'est déjà long. Et je pense qu'ils ont fait des choix. Voilà. Parce qu'on est parti, on était parti en live un peu avec Laurent Lafitte en impro à un certain moment. Et ça, je me suis douté que je regardais, moi, Jérôme Commandeur en disant OK, on improvise. OK, d'accord. Bah, j'y vais. Mais je me suis douté qu'il allait chanter quelques petits trucs, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, la scène est mignonne quand même. Peut-être sur le DVD, tu auras lancé. Ah ouais, la version longue. Ouais, ouais. Voilà. Allez, scène coupée. Peut-être. Allez, bon, on a une émission à faire et sans plus tarder. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'éphéméride de 18h sur Fadjets. L'éphéméride, qu'est-ce qui s'est passé un 13 novembre? J'espère qu'il n'y aura pas que des mauvais événements. Il s'est passé que des dingueries le 13 novembre, sauf une qui est vraiment triste. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Mais vous savez déjà de quoi on va parler. Mais d'abord, est-ce que vous connaissez un peintre français qui s'appellerait Camille... Claudel. Non, qui est mort. Oui, encore un. En 13 novembre 1903, Camille Pissarro. Pissarro, une œuvre de Pissarro, okay. Ça, tout le monde connaît. Ouais. Et ben, il est finito, un 13 novembre en 1903. Moi, je trouve que ça te va bien de te lever tôt. Ça me rend un peu plus... Ah ouais. Je pense que tu devrais faire des oraisons funèbres comme ça, tu vois. Ah ouais. Nous sommes là pour célébrer l'enterrement de machin. Il est finito. Et maintenant, on va mettre le feu. Rock and roll. Mais également un pape qui... Quel pape? Camille. Non, pas quel Camille pape avec 13. Le prénom Camille Pissarro. Non, qui est parti un 13 novembre. Jean-Paul mais II. attendez, la date vous allez être choc-bar. 867. Oh. Un pape nous a quitté. C'était le premier du prénom. C'est le pape. Clément Ier. Non, pas Clément. Mais alors Urbain pas premier. Comment? Urbain Ier. Pas Gérard. Urbain. Gérard. Pas Gérard. Jean-Paul Ier. Non. Pas non. JP. Jean Ier. François. Non, pas François. Mais attends, il a fait 800 quoi? Benoît. Il est mort en 867. Benoît. Non, pas Benoît. Pi. Pinon. Pinon. C'est 314, c'est pas 660. Claude. Claude 1. Non, c'est pas Claude. Alors, attendez, un prénom de pape. Mais on en a donné plein. Bénédicte. Mais Benoît. C'est toujours que des faux que vous avez donné. Steve. Non, pas Steve. Oh, Steve, ça aurait été cool. Steve Ier. Je suis le pape Steve Ier, bah oui. Jason. Non, c'est Nicolas. Nicolas. Je savais pas qu'il y a eu. C'est mon prénom et je savais pas qu'il y avait eu des papes qui s'appelaient Nicolas. Parce que James s'appelle Nicolas. On le reveal. En train de révéler un truc. Ouais, c'est dingue. Ouais. Bon, et ben en tout cas, vous savez que Nicolas Ier est le premier est mort le 13 mai. Ensuite, qui non, d'autre? Le 13 novembre, pas oui. Le 13 mai. C'est voilà. Vrai, excellent. Qui d'autre quoi? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre un 13 novembre? Vous allez me dire, il s'est passé des choses un peu horribles, etc. Bah, mais il s'est passé aussi quelque chose horrible. De fou. Ah. Il s'est passé quelqu'un. Il s'est passé un grand homme. Un grand homme a remporté. Pour la première fois, alors qu'il va en remporter plein d'autres après. Ouais. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Ah, des championnats du monde de Formule 1. Remporte le premier de ses titres de champion du monde de Formule 1 un 13 novembre. Est-ce que tu as la date? Bah, un 13 novembre. Attends, le premier titre de 91. Schumacher. C'était pas 91. 97. Non, ce n'est pas 97. Attends, peut-être James. C'est dans les années 90. 95. Oui. Non, mais 96. On n'est pas loin. Un peu trop, un peu en dessous. 94. Le 13 novembre 1994, Michael Schumacher remporte le premier de ses titres de champion du monde de Formule 1. Oui, monsieur. Ah oui. Mais également un 13 novembre 2015. Attention, l'ambiance change. Une série d'attentats à Paris et à Saint-Denis revendiqués par l'État islamique. Ça fait 10 ans aujourd'hui et on s'en souvient, bien sûr. Eh oui. Pendant un moment, j'ai cru que t'allais partir. partir sur un truc et on les salue. On les remercie. Non. Bien sûr que non, on n'est pas là pour rire de ça. Je pense qu'on aura beaucoup de... Enfin, on a beaucoup de commémorations, bien évidemment, par rapport à ces... Et d'ailleurs, je fais juste un petit aparté parce que sur France Télévisions, il y a une émission... Enfin, c'est un documentaire en 4 épisodes de 30 minutes. C'est le choix de Sonia, je crois, ne pas me tromper en disant ça. Et c'est sur cette dame dont le prénom a été changé, qui a averti la police parce qu'elle a été mise en contact avec un des derniers djihadistes qui était encore en vadrouille. Et ça retrace, et c'est à travers ses auditions et puis ses commentaires, parce qu'elle est là, elle est interviewée. Et du coup, on saisit bien ce qui s'est passé avec cette dame qui a été, malgré elle, mise en contact avec les mauvaises personnes, et ça a complètement changé sa vie, puisque aujourd'hui elle doit vivre sous une autre identité, dans un endroit dont on ne sait pas du tout où c'est, et personne sur le tournage n'a pu voir son visage de manière à la protéger. Et franchement, c'est à voir, c'est en replay sur France Télévisions. Je n'ai pas bien compris, excuse-moi, mais c'est quoi parti? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi protégée, cette dame? Parce que elle a été dès le lendemain, dès le soir des attentats, oui. Elle a été mise en contact par une tierce personne avec les derniers djihadistes qui se planquaient. Okay. Et qui devait organiser de nouveaux attentats, notamment à la Défense. Et elle les a dénoncés. Et elle les a dénoncés. Ah oui, voilà. Elle les a dénoncés. Okay. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Et suite à ça, elle a travaillé avec la police. Enfin, c'est vraiment à voir ce reportage-là. C'est prenant et on se met à la place de cette dame, la pauvre, ce qu'elle a pu vivre là-dessus. Voilà, je te rends la main. Mais pas de problème, parce que deux personnes sont nées un 13 novembre. La première personne, c'est... l'épouse de Georges Pompidou, qui est née un 13 novembre 1912. Est-ce que vous connaissez son prénom, à l'épouse de Georges Pompidou? C'est un truc du genre Marguerite, mais c'est pas Marguerite. Non, c'est Georgette. C'est genre Marguerite, mais c'est pas Marguerite. Ah, Edith. Non. Marie-Yvonne. Non, c'est Claude. Claude. Merci. Pompidou. Oui, alors, rien à voir avec Marguerite, mais en même temps, t'avais l'air sûr, donc je te l'ai laissé. Mais j'ai également quelqu'un qui est né un 13 novembre 1955. C'est une femme, américaine qui a un prénom assez unique. Jane Fonda. Non, Jane, c'est pas assez unique comme prénom. Eustache, on connaît trop. C'est plus un prénom qui pourrait être une sorte d'acclamation de joie. Hourra! Ah, on est dans le littéral. Hip hip hip. Eh, mais les gars, vous êtes très très proches. Plus proches que Marguerite tout à l'heure. Okay. Là, vous y êtes, ok? Mais il y a deux O à l'intérieur. Ok. Et ça finit par Pi. Cocorico P.I. Youpi. Ok, plus loin. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, également né un 13 novembre 1955. Whoopi, c'est hilarant comme prénom. C'est hilarant, ouais, ouais. C'est encore que Whoopi. C'est Fandar Max. Ça fait penser toujours à Bruce Willis, moi, Whoopi. Ah bon? Parce que tu sais, sa phrase, c'est Yippie-Kay, Yippie-Kay, pauvre con. Et, quoi? Mais attends, dans Die Hard. Die Hard. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, okay. La phrase culte, c'est Yippie-Kay, je crois. Okay. Et Whoopi, je sais pas, ça me fait penser à ça. D'accord. Mais c'est pas grave. est-ce que vous connaissez qui est Charles Dupaty? Charles Dupaty, un sculpteur français. Bon, bah, il est mort d'accord. Aujourd'hui, on pense à lui. D'accord. Tu nous fais les secondes zones, troisième zone. J'essaie de gratter un petit peu. À Oudemont, il y a eu un décès le 13 novembre. Aujourd'hui, c'est la fête des Brices. Donc, on souhaite bonne fête plutôt qu'on les remercie. Les Brices, c'est le 4e évêque de Tours, hein, on le savait. Bah oui, bien sûr. Bonne fête à Brice. Voilà. Et petit dicton pour finir cette belle journée du 13 novembre, cette belle journée avec voilà. À la Sainte Brice, le temps sera celui du jour de l'an. Oula, 18 degrés. À la Sainte Brice, le temps sera celui du jour de l'an. D'accord, si tu veux. Bah, c'est Wikipédia qui le dit, donc à un moment, je pense que c'est vrai. On est d'accord. Donc okay, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette belle éphéméride. C'est le mec qui fait mon boulot, même. En espérant qu'il fasse 18 degrés le jour de l'an. Franchement, Tristan, je pense qu'on pourrait s'en aller. Et ouais, Jocelyn fait l'émission tout seul. Hein. Je pourrais aller garer ma voiture. Il faut me laisser 20 minutes le temps que je prépare, mais c'est possible. Hein, c'est possible. Dites-le en commentaire sur Spotify hein, si vous voulez qu'on les dégage. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. « l'invité show business de 18h. J'ai mis ça, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. C'est d'accord. Pour pouvoir annoncer le quiz actu, un petit quiz actu. Ah, hein, c'est le avec quiz pas actu. Il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes. Et je vais toujours chercher sur Google Actualité, donc j'espère que vous n'y êtes pas allé pour voir. Non. Et alors là, c'est ma Madeleine de Proust. C'est un article du... C'est un article du Figaro. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis qui a duré 43 jours et qui est un record ? De l'apnée ? Pourquoi tu tiens ton micro à deux mains pour dire ça en même temps ? Je sais pas, je teste de l'apnée. Non, c'est pas de l'apnée. De l'acné ? C'est marrant parce que... Non. Et non. D'apnée. C'est marrant parce que je pense que... Alors, ça s'est terminé cette nuit. Hein. C'était le budget, non ? Il n'y a pas un truc d'économie ? Ah, ouais ! Parce que je sais qu'ils sont bloqués sur le budget, non ? Eh ben, c'est ça, effectivement, le fameux shutdown. Shutdown ! Est-ce que vous savez ce que c'est que le shutdown ? C'est, que c'est historique, hein, c'est la première fois qu'il dure 43 jours, ah ouais, donc 6 okay. semaines. Le shutdown, c'est en fait c'est le vote du budget. On est en plein dedans en France. Hein. Et le vote du budget aux États-Unis, il faut qu'il y ait 60 des 100 sénateurs qui le votent. Sinon, s'il n'y a pas 60 des 100 qui le votent, eh bien, les employés fédéraux ne sont pas payés. Ce qui fait que, par exemple, y a beaucoup de... C'est bizarre, ça, quand même. Y a une aide qui s'installe, d'ailleurs, parce que y a beaucoup de gens qui mettent à disposition des denrées alimentaires pour ces employés fédéraux qui ne sont pas payés. Les aiguilleurs du ciel... ne sont pas payés, mais sont obligés d'être là. Donc, il y en a quand même qui se sont fait porter pâle. Et c'est qui... quoi les aiguilleurs du ciel ? C'est ceux qui dirigent les avions. Ah oui, tu vois, au sol. La tour oui, de contrôle. Rien à voir avec moi, je voulais dire. Non, ouais, c'est la tour. Enfin, ils sont au sol. Ouais, ils sont la tour de contrôle. Ce qui fait qu'il y en a pas mal qui se font porter pâle parce que ils vont chercher un autre boulot, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de retard et d'annulation de vols aux États-Unis depuis quelques semaines déjà. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi là ce coup-ci, ça a eu la fin du shutdown ? C'est parce qu'il y a quelques démocrates qui, en fait, les démocrates tenaient bon en disant, tant qu'on n'a pas des assurances sur le Obamacare, sur le Medicare, pardon, cette mutuelle qui est sponsorisée, subventionnée par l'État pour les gens à faible revenu, eh ben on lâchera pas. Mais il y en a huit démocrates qui ont accepté de lâcher l'affaire. Au bout de 43 jours. Parce que ils ont demandé d'autres critères, d'autres trucs qui ont été acceptés par les républicains. Mais en tout cas, le Medicare va quand même doubler de tarifs à partir du 1er janvier pour les gens à faible revenu. Ça, c'est. Ça fait mal. Voilà. Donc, j'imagine que ces huit-là, ils doivent être pas mal embêtés ces derniers jours. Quoi. Donc voilà, 43 jours, c'est le record. J'espère qu'il ne sera jamais battu aux États-Unis. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Nous, en France, on a d'autres choses. Est-ce que vous savez, on reste aux États-Unis. Okay. Ok, on peut le savoir alors. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'est Victory 45-47. 44-45. Je sais que... T'as dit deux choses différentes. 44-45, c'est 44-47. 45-47. Ok, merci. Voilà, ouais. Parce que je suis nul en anglais. Et toi, t'es bilingue. Ouais, moi, je suis bilingue et je pense surtout à tous ces jeunes qui apprennent l'anglais dans leur voiture et qui se disent, mais attends... Fudget, what the fuck ? Ouais. Parce que là, il y a une histoire avec ça. Moi, je crois Victory, savoir. 45-47. Okay. Je suis pas sûr en même temps. Déjà, je sais que par les événements, Trump, il a vu qu'en France, on fêtait nos victoires. Et il a dit, mais MDR, nous, on fête pas nos victoires. On va faire des jours pour fêter nos victoires. Alors, effectivement, il a mis en place le défilé militaire suite au 14 juillet en France qu'il a vu et qu'il trouvait ça bien. Et effectivement, ça concerne Donald Trump, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu viens de dire. Victory 44-47. Ouais, c'est ça. 45. Voilà. 47. Bon, on va y arriver. Victoire 45-47. Sinon, parler la langue que vous connaissez, savoir le français. 54. Yeah. Ok. 44-47. 45-47. Alors pourquoi 45-47 ? Parce que c'est une date. C'est une année. 45-47, pourquoi ? Parce que c'est ces deux mandats. Parce qu'il était le 45e mandat et 47e mandat de président des États-Unis. Mais je vous le dis parce que ça ne va pas du tout vous aider. Ok. Pour savoir. Mais voilà. Mais ça le concerne lui. C'est un truc autour de sa personnalité. Lui. Enfin, une deuxième salle de bal. Personnalité, ça fait. C'est en relation avec lui, ouais. Tu peux répéter exactement la question parce que j'écoutais pas parce qu'il y a beaucoup d'activités autour de ta voiture. Ah, donc, ok, d'accord. On regarde. Qu'est-ce que Victoire 45-47 ? Qu'est-ce que Victoire, voilà. D'accord. Voilà, okay. Voilà. Est-ce que c'est le prénom d'un de ses enfants ? Non. De ses petits-enfants ? Non. C'est un objet. Et dans cet objet, on met quelque chose. Une oreille. Est-ce que c'est une tirelire ? Alors, c'est un objet que vend Donald Trump. Est-ce casquette ? Non. Est-ce que c'est un sac ? Non plus. Est-ce que c'est un truc dans lequel on met quelque chose ? Moi, par exemple, je sais que, même si c'était pas Trump, je ne l'utilise pas. Tu ne le mets pas ? Non, j'en mets pas. Pourquoi ? Parce que... un slibar. J'aime bien être comme ça, au naturel. Ok, c'est un slibar. Ah, d'accord. Ce n'est pas un slibar. Oh, mince. Oh, là. C'est des tongs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte ? Qu'on porte pas, mais qu'on se met. Ah, j'aime bien vous perdre encore plus. Est-ce que c'est une crème de jour ? Non, mais t'es dans les cosmétiques. Une crème de nuit ? Non, mais c'est bien les une cosmétiques. Une crème d'après-midi ? Non plus. Est-ce que c'est une crème ? Non, mais c'est quelque chose qu'on s'applique. Désolé, j'en avais marre. C'est quelque chose qu'on se met sur le corps, effectivement. Du dentifrice ? On se met sur le dentifrice sur le corps. C'est du savon. De l'auto-bronzant. Non, mais le savon, ça sent bon. Du parfum. Bah voilà, du mais parfum. Oui. D'accord, c'est une gamme de parfums qui lance. Victory, ouais, 44, ouais. Mais 47. Mais alors attends, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ça aurait été rigolo. En fait, j'ai lu un article et je me suis dit, mais comment s'appelle le nom du parfum que commercialise Donald Trump ? Donc, il s'appelle Victory 45. Oui. T'as vu, hein ? Oui. C'est bien, il ça est va, relatif à ses mandats. Et en fait, là, je vais donner la réponse. Enfin, c'est un truc assez rocambolesque, comme peut le faire Donald Trump. Il a invité à la Maison Blanche le chef d'État syrien, Monsieur Ahmed Al-Sharry. Ouais. Je crois que j'ai vu qu'il s'est passé une dinguerie avec ce gars. A fait la promotion de son parfum, Donald Trump, pendant cette entrevue, à tel point qu'il a même mis du parfum dans le cou du chef d'État syrien. Et il s'est vu offrir d'ailleurs un parfum de Donald Trump. Donc c'est vraiment très... Voilà. Très chelou. Et voilà. Et il a enchaîné derrière avec une phrase. Est-ce que vous auriez une idée ? Je ne pense pas que vous allez trouver comme ça, mais... Donald, il aurait enchaîné une ouais, phrase. Alors ouais, c'est... Il aurait dit, si même la Syrie peut sentir bon. Non, c'est par rapport à ça, par rapport à... au fait qu'ils sentent bon maintenant. Est-ce que... Non. Même les berbères puent. Maintenant, non. Non, alors, vas-y, tu veux. Non, j'avais pas d'idée. Ouais, pas. En fait, donc. Est-ce que c'est des racistes comme ce qu'il a dit ? Non, c'est pas raciste. Ah, c'est... Moi, j'ai aucune idée alors. C'est de la misogynie mal placée, c'est du rabaissement, de. Enfin, bref. En fait, il a aspergé donc dans le cou du représentant syrien. Et puis derrière, il lui a dit eh ben, ça plaira sûrement à votre femme. En fait, vous avez combien de femmes ? Oh, c'est top. Il en avait combien ? Une. Ah, ok. Mais voilà, c'est assez croustillant. Et donc, vous pouvez voir, alors là, c'est un article du Parisien, et vous pouvez voir la vidéo très gênante sur l'article du Parisien. Enfin, sinon, vous la retrouvez vous sur... Vous avez combien de femmes ? C'est une faute. Sur, comment ça s'appelle ? Alors, X, bien évidemment. Voilà, donc j'ai juste à balayer, en fait, le site de... Google International, parce qu'il y a tellement d'infos cette semaine que tu vas voir que je... Ah si, attends, faut que je trouve un truc. Il y a un décret qui est passé en Slovaquie relatif aux piétons. Est-ce que vous savez... Et qui va rentrer en vigueur le 1er janvier. Est-ce que vous savez c'est quoi ? Un décret en Slovaquie sur les piétons... Est-ce que c'est par rapport au passage piéton ? Non. Est-ce que c'est par rapport aux règles de priorité des piétons envers les uns envers les autres ? Non, alors ça concerne les piétons et les cyclistes. Est-ce que c'est un rapport avec l'alcool ? Non. Alors attends, je vais donner des perches quand même. C'est un rapport avec les piétons et les cyclistes sur les trottoirs. Et en fait, ils font ça parce qu'il y a eu trop d'accidents de piétons et de cyclistes, mais sans pour autant dire si c'était sur les trottoirs. Ok, voilà. Est-ce que c'est une histoire de couloir dans les trottoirs ? Genre le couloir de droite, c'est réservé aux piétons, le couloir de gauche aux cyclistes ? Eh ben ça, tu vois, ça serait encore intelligent. Ah d'accord. Ils ont mis des caméras. Ils ont mis des caméras partout. Tellement con, non, que du coup, les réseaux sociaux s'en amusent et font énormément de parodies mais du truc. On est d'accord que ça régit l'ordre de priorité entre les pas cyclistes. Du tout. Ah d'accord. Pas du tout. Pas juste du pour tout. Savoir qui a percuté qui en fait. Non, c'est pour éviter pour eux qu'il y ait des accidents et donc ils limitent quelque chose. Ils mettent des sur le trottoir. Des... vitesse. Ils limitent la vitesse des piétons et des cyclistes. À combien de kilomètres heure? 10. Moins. À 5. Plus. 6, c'est la vitesse de marche voilà, moyenne, ça je crois. Ça va rentrer en vigueur au 1er janvier. Ah, mais non, mais en fait, l'idée, c'est de forcer les cyclistes à marcher, qui s'appelle rouler, sur la route, non? Alors, bah justement, à 6 km/h, tu ne peux pas faire du vélo. Tu tombes. Bah oui, c'est pour ça. Donc, du coup, tu ne peux pas aller sur le trottoir. Oui, mais là, on parle des enfants, par exemple. Et les enfants qui font du vélo sur le trottoir ne peuvent pas, 6 km/h. Et puis, si tu as une envie pressante, tu ne peux pas. Parce que tu dépasses quand même assez vite les 6 km/h. En courant ? Ou en marchant vite. Hein. Ok. En marchant vite. Moi, c'est 6 km de la marche à peu près. Quoi. Moi, quand je fais de la rando, je suis à 4. Donc, tu marches vite, t'y es. Hein, okay. Donc, il y a énormément. Ça fait le buzz, hein, vous imaginez bien. Et c'est pour juguler le nombre de morts sur on ne sait pas quoi. Voilà. Juguler, coup, oui, on va des... arriver à est-ce ma qu'il y aura, chronique. Est-ce qu'il y aura des radars ? Eh ben, ça va être la question. Est-ce qu'il va y avoir des radars ? Est-ce qu'il des va... flics ? Des policiers ? Mais peut-être. Est-ce qu'un chien peut être verbalisé ? Ah, est-ce qu'un chien va faire plus de 6 km/h ? Bah, ça, je ne sais pas. Un chien qui court. Ou un chien qui marche. Même le temps qui court. Ouais. Mais non, on ne sait pas là-dessus. Je sais pas pourquoi, c'est philosophique. C'est vraiment intéressant. C'est trop toi. Vous savez que je suis allé 2 fois en Slovaquie, moi. Non, là-bas. Ouais. Pour faire ? Pour faire des choses. Je vais pas vous le dire forcément. Voilà. Marchez vite. Et ouais, mec. Un petit peu de vie privée quand même. Voilà. On est des figures publiques. Hein. On passe à la radio, mais bon, on a aussi besoin de notre petit jardin secret. Alors, d'accord. Voilà, alors, James, vous lui demanderez samedi et dimanche également. Voilà. Donc, vérifiez bien à Bratislava. Information suivante. Qu'est-ce que le Mark 1 ou Mark 1 ou Mark 1 ? Est-ce que ça a un rapport avec la monnaie allemande ? Pas du tout. Est-ce que c'est allemand ? Pas du tout. Eh ben non. Non, c'est quand estonien. Quand tu l'écris Mark, estonien. Comme le Mark, M-A-R-K. Le Dutch Mark, M-A-R-K, avec un 1 derrière. Et je vais vous dire, ça a la forme d'une baguette. Ah, baguette chinoise ou baguette de pain ? Baguette de pain. Est-ce que ça se consomme ? Non. Ça vaut 50 000 euros. Ah ouais ? Ouais. Ah, ça se met pas dans les poches. Ouais. Est-ce que c'est une... Mais c'est efficace. Crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui a la forme d'une baguette. Oui, après tout. La notion de crypto-monnaie, c'est que c'est pas palpable. Hein. Voilà. J'avais d'ailleurs fait un sketch sur Groland où c'était un braquage de crypto-monnaie. On lui donnait des sacs remplis de rien. Ah, voilà, d'accord. Puisque c'est des crypto-monnaies. Non, c'est. Je sais pas le poids. Ça a pas l'air d'être lu. C'est super grand lourd, comme truc. Ça, c'est ça a la taille d'une baguette. 65, c'est. Ok. Est-ce que c'est. Donc c'est un objet de collection ? Non, pas du tout. Combien ? 50 000 ? C'est un objet utilitaire ? Ça sert à quelque chose ? Ça sert à quelque chose ces temps-ci. Hein, c'est par rapport à l'actualité du moment. Est-ce que c'est une puce ? Ça, c'est des trucs qui contiennent des puces ? Pour éventuellement faire, je sais pas, des robots, des IA, des... Une puce d'une longueur d'une baguette. Non, mais ça pourrait être un assemblage de puces. Plus puce. Très puissant sur la longueur d'une baguette qui permet de faire tourner un modèle d'IA. Non, mais ça fonctionne avec de l'IA. Ah, donc ça fonctionne en plus. Ça fonctionne avec de l'IA. Ça vit, c'est de l'électronique dedans ? Et c'est pas cher. Oui. Sur 50 000 c'est beaucoup quand même. D'électronique. Hein. Et pas que d'électronique d'ailleurs. Ah, est-ce que c'est une barre de son ? Non. Mais c'est là, ça y va à la chaîne, hein, parce qu'il en faut. Hein. Ah, il en faut plein. Ah. Ah oui, il en faut plein. C'est des cartes mères ? Non, pas du tout, mais vous n'êtes pas du tout sur le bon segment, en fait. C'est quelque chose qui s'utilise qu'une seule fois. Un coton-tige ? C'est une bombe ? Oui ! C'est une arme, en fait. Oui, c'est une arme, le marque. C'est une torpille. C'est 50 000 euros ? Oui, mais c'est pas très cher en fait du coup. C'est un missile miniature. Bah, si c'est une arme, c'est cher les armes. Hein. Oui, attends, j'ai essayé de m'acheter une ogive nucléaire. Je peux te dire. Ah, oui, t'achètes une ogive. Là, c'est pour ça que t'achètes une baguette de pain. Voilà, exactement. Voilà, je révèle tout. J'ai été m'acheter. Et le problème, c'est qu'en allant au magasin d'ogive nucléaire. T'y allais à 8 km/h. À 8 km/h, flash. Amende, et j'avais plus les moyens de me payer l'ogive. Mais non. Qui était à 50 000, 8. C'est ballot. Non, oui, c'est la taille d'une baguette. Et ce missile miniature est conçu pour détruire les drones russes Shahed. Et donc, tu sais qu'il y en a besoin ces temps-ci, quoi. Et c'est l'Estonie qui fabrique ces missiles-là. C'est guidé par intelligence artificielle. Et ils sont lancés, ils doivent être lancés. En frisbee. Non, oui. Non, mais ils sont pas autonomes. Genre, tu les poses sur une table et ils se réveillent, genre... Oh, dis donc, il y a un autre. Ouais, je vous montre la photo si des fois vous voulez voir, mais c'est un peu comme la fusée de Tintin quand il va sur la Lune, quoi. Sauf que ça. Moi, ça me fait penser. Ça pourrait très bien être tiré avec un arc, ça, tu vois. Ouais. Un grand arc. Super, la défense ukrainienne. T'imagines. Ouais. Voilà, je sais pas si j'avais une dernière info. Attends, si, tu avais. Je regarde. Attends, si vous avez deux secondes. Je regarde juste parce que je fais des screens en fait. T'es un screener ? Ouais, je suis un screener. Ah oui, si. Ah, oh, c'est assez triste. C'est un article de West France et c'est au large de la Turquie. Et il y en a 3000 qui sont bloqués au large de la Turquie. Mais 3000 quoi. 3000. T'as dit que c'était triste ? Ouais. Des chats ? Non, c'est pas des chats. Non. Des chiens ? Non plus. Des cormorans ? Attends, et non, 3000 il y en a 3000 et il y en a déjà 48 qui sont morts. Oh quoi ? Attends, redis-moi. Ça fait 3 semaines que ces 3000 sont bloqués au large de la Turquie. Des moustiques ? Ça serait fou, des requins ? Ils ne peuvent pas rentrer ces moustiques en Turquie. La Turquie. Non mais les pauvres, il y en a 48 qui sont déjà morts. C'est des chauves. Des chauves. Ouais, je viens de faire des cheveux en Turquie. On en a assez, des chauves, ouais. Voilà. On les retient. Et il y en a 48 qui sont morts. Déjà. Non, c'est pas ça, mais c'est. C'est des animaux, on est d'accord. C'est des animaux, on est d'accord. Des animaux mignons, mimi. C'est des animaux. Mais oui, parce qu'il a dit que c'était triste. Qui viennent. Mais ça veut dire quoi des taupes, on n'est pas triste. Moi, c'est un truc qui m'hallucine, ils viennent d'Uruguay. Ah, des lamas ? Non. Non. Okay. Ah non, mais c'est un truc. Mais ils sont venus par leurs propres moyens ou on les a envoyés là ? Par leurs propres moyens, ils ont nagé jusqu'à. Bah non, mais tu peux être. En passant par t'as pris connaissance des oiseaux migrateurs ou pas du tout ? Non, j'ai pas du tout pris connaissance. Ah bah alors, des oiseaux migrateurs. Des oiseaux qui, chaque jour. Tous les jours. Migrant. Tous les jours font le tour du monde. C'est vrai. Sauf que là, sur leur passage, ils voulaient passer par la Turquie et on leur interdit le passage. Exactement. Ah ouais. Et donc, ils volent en stationnaire depuis 3 semaines. 48 ils sont morts. Ils font des tours comme les avions avant de se C'est ça, ouais. Et collision entre 48 qui sont morts. C'est forcément quand on a 3000 qui tournent. Bah oui. Mais non, c'est pas des cormorans. Est-ce que c'est des animaux de zoo ? Pas du tout. C'est quoi ça ? Non, mais t'imagines. C'est quoi les animaux de zoo et des animaux pas de zoo ? Bah, est-ce que t'as déjà vu un zoo où il y a des fourmis, par exemple ? Non. Ah, bonne question. C'est vrai que là, maintenant, ta question a du sens. Et c'est pour des raisons sanitaires. Est-ce que c'est des animaux de fourmis ? Non, c'est pour des raisons sanitaires. Ah, c'est des pangolins ? Ah ouais, des chauves-souris ? Mais allez à l'essentiel. Hein. Bah, des animaux. Des chats et chiens, il n'y en a pas d'autres. Des vaches ? Oui ! Ah, ok. Non ! C'est des vaches ? C'est des vaches, t'imagines. 48 morts ? Oh. Non, mais attends, quand même. Il y a quand même un cargo qui amène des vaches vivantes d'Uruguay jusqu'en Turquie. Je ne sais pas combien de temps dure le voyage. Ouais. Mais pourquoi on désingue pas les bestiaux en Uruguay, on en fait des carcasses et puis on amène les carcasses en Turquie, quoi. Parce que peut-être qu'ils ont besoin de pâturage. C'est le système dans lequel nous vivons qui rend ça. Ah ouais. Oh, j'aime comment tu dis cette phrase-là. Et en plus, là, les pauvres bêtes sont bloquées depuis 3 semaines au large de la Turquie, t'imagines ? Pauvre louloute, mais oui, j'imagine bien. Il y en a 48 qui sont mortes parce que... parce que les conditions sont horribles, je pense. Tu ne dois pas avoir beaucoup plus de place que dans ton élevage intensif. Bon, encore qu'en Uruguay, il doit y avoir des élevages extensifs. Oui, mais sur le bateau, je ne pense pas qu'ils aient prévu du pâturage pour les vaches. Hein. Non, c'est pas un cargo, c'est pas la croisière s'amuse. Et je ne pense pas que non plus qu'ils aient la petite tablette avec les films pour regarder des films. Ouais, puis ça mange et ça chie au même endroit. Il n'y a pas des casinos pour les vaches. Et en plus, et j'ajoute un dernier élément tragique, même si un petit peu difficile à entendre, mais elles ne peuvent pas pratiquer le cannibalisme pour se manger les unes les autres. Et oui, elles sont végées. Oui. Et oui, quelle histoire. C'est affaire à suivre. La tuile, quoi, d'être végé quand t'es bloqué. C'est un article de West France, et ouais, affaire à suivre là-dessus. Je regarde juste si j'ai bien fini. Libérer les vaches. Tout. Frico. Oui. J'ai tout fini. Mais après, tu sais pas pourquoi elles étaient envoyées en Turquie, pour les manger. Pour les cheveux, je pense encore. De toute façon, c'est quand même un petit peu tragique parce que même si elles s'en sortent, leur destin. Inéductable. Mais c'est juste qu'il y en a certaines qui n'ont pas de bague à l'oreille pour savoir la traçabilité, etc. Donc c'est assez horrible, les pauvres bêtes, et on ne sait pas du tout le devenir. Parce que est-ce qu'il va y avoir un retour à la maison ? Auquel cas, c'est encore je ne sais pas combien de temps. Enfin bon, bref. Mm-hmm. Voilà. On va mettre fin à cette chronique. J'aurais dû terminer sur une bonne nouvelle, mais bon, c'est comme ça. Les nouvelles ne sont pas forcément toujours bonnes à entendre. Non, ça, c'est l'éphéméride. Mais non. Attends, c'est l'éphéméride. Je vais mettre Ah ouais, un jingle, voilà. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. L'invité show business de 18h. Et toujours à regarder si ma voiture est n'est pas toujours alignée. Toujours merci, à faire la tour de contrôle, l'aiguilleur du ciel, voilà. Tout simplement. Même quand t'es pas payé. L'aiguilleur du parking. Comme voilà. Aux États-Unis. James, c'est ta chronique. C'est ma chronique et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un concept à la fois complètement quotidien pour nous tous, mais aussi un petit peu philosophique derrière, voire un peu scientifique. Oh là là. Le concept de dilemme. Okay. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un dilemme? Ah oui, faire un choix entre deux possibilités, plus. Options. Ouais, entre deux options, mais ces deux options sont jamais sont vraiment satisfaisantes. Elles sont soit très proches l'une de l'autre, soit on a quelque chose à perdre. La définition que j'ai trouvée sur Internet, c'est une alternative contenant deux propositions contraires ou contradictoires et toutes deux insatisfaisantes entre lesquelles on est mis en demeure de choisir. Et faire un choix, c'est renoncer. Oui, il y a ça aussi, mais il y a le fait que dans un dilemme, les deux options, on a des aspects négatifs et des aspects positifs. Mot politique, deuxième tour, quoi. Ouais, des fois c'est des dilemmes. C'est un exemple de dilemme. Alors je vous ai d'abord cité quelques exemples de dilemmes. D'abord un dilemme très connu d'un point de vue un peu philosophique, le dilemme du tramway. Ça vous parle ou pas? Dilemme du tramway, non. On peut le deviner ou pas, train, pas on appelle tout. Ça aussi dilemme du train. Ah bah non, là j'ai pas. Vous imaginez un train qui roule à pleine vitesse. Attention, c'est un dilemme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Vous imaginez un train qui roule à pleine vitesse et sur votre chemin, vous rencontrez 5 personnes attachées à la voie. Ah oui, j'ai 5 personnes qui sont attachées sur la voie du train. Et vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton pour faire changer d'itinéraire au train. Mais sur cette nouvelle voie sur laquelle vous le ferez changer, il y a une personne qui est attachée. Et du coup, en fait, le dilemme là, c'est de savoir si... Donc, est-ce que vous faites l'action d'appuyer sur le bouton qui conduit à la mort de cette personne, ou est-ce que vous restez sans rien faire et laissez le sort... Voilà, avoir décidé du choix de la mort de ces 5 personnes. Ça, c'est un exemple qui est célèbre pour illustrer c'est le grand dilemme, même, ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est savoir si les choses doivent, si tu dois laisser les choses suivre leur cours normal ou si tu dois prendre une responsabilité qui minimise les pertes. Interférer dans le... Voilà. Dans le ouais. Donc ça, c'est un dilemme un peu philosophique. Je vous en ai écrit un autre qui s'appelle le dilemme de Heinz, qui l'illustre via une petite... Ketchup ou mayonnaise, quoi. J'allais parler de ketchup. Non, pour le coup, c'est pas super joyeux. Bon, voilà. Le ketchup est joyeux, je crois pas. Ketchup ou sans. le dilemme de Heinz se dit de la manière suivante. Une femme est atteinte d'un cancer particulier qui, semble-t-il, qui peut être guéri par un seul médicament. Ouais. C'est un médicament à base de radium qu'un pharmacien vient de mettre au point. Et ce pharmacien le vend 10 fois le prix qu'il coûte. Donc il paye le radium 200€ et il vend le médicament 2000€. Et Heinz, le mari de la femme malade, qui a inventé cette chose un peu bizarre, il va voir tout le monde pour essayer de retrouver les 2000€ pour acheter le médicament. Et il réussit qu'à réunir 1000€, la moitié du prix. Ouais. Il va voir le pharmacien, il lui explique « Ma femme est en train de mourir, j'ai absolument besoin de ce médicament, est-ce que vous pourriez me faire une petite ristourne ?» Et le pharmacien lui dit « Bah non, moi c'est comme ça que je gagne ma vie. » Et du coup, le dilemme se pose à Heinz, est-ce que je vole le médicament ou est-ce que j'accepte mon choix ? Donc c'est un concept assez basique. Est-ce que dans un choix... civisme ou humanitaire. Voilà, quoi. Exactement. Est-ce qu'on respecte la loi ou est-ce qu'on défend dilemmes. Je vole un chat. Vous tous les deux je vole et je peux dire que derrière, je fais travailler ma femme pour qu'elle gagne 1000€. Et avec les 1000€ que j'ai gagnés, qu'on aille payer le pharmacien. Ok, alors autre petit dilemme là, un peu encore éthique. Hein. Après, on aura des trucs plus légers, rassurez-vous. Moi, j'aime bien le. Un petit dilemme éthique à vous proposer. Donc, vous avez une machine à cloner, capable de cloner un être humain. Ok. Et le dilemme, c'est que l'un de vos proches est gravement malade et a besoin d'une greffe en urgence pour survivre. Est-ce que vous le clonez pour ponctionner l'organe sur le clone? Ah, c'est comme le film The Island, non? The Island, ouais, exactement. Ou est-ce que vous ne le faites pas? Voilà. Ben, attends, je n'ai pas compris. Parce que si je ne le fais pas, je perds quoi, moi, dans l'histoire, de toute façon, Alors, attends, je vais t'expliquer. Pote, Jocelyn, il a besoin d'une grève de cœur. Oui. Ouais. Ouais. La capacité de faire une grève de cœur, tu es très fort. Ouais. Tu as aussi la capacité de cloner Jocelyn. Ouais. Ouais. Donc, soit un, tu clones Jocelyn et tu prélèves le cœur au clone et tu le mets sur Jocelyn. Ah, en tuant son clone. En tuant son clone. Tu tues mon clone. D'accord. Écoute, okay, alors, ce que tu peux faire, je viens de me rendre compte, mais tu peux faire un clonage infini. Tu clones Jocelyn. Tu prends le cœur du clone, tu le mets sur Jocelyn. Tu clones le clone de Jocelyn. Tu prends le clone de clone, le cœur du clone du clone. Ouais. Tu le mets sur le clone. Pour faire un schéma. Ouais, tu fais en espérant que son cancer du cœur, ça ne soit pas héréditaire. Parce que là, tous les clones vont avoir le cancer. Oui, en plus, il y a des chances. Le cancer du cœur. Bah oui, ce serait malo. Voilà, donc on va maintenant passer dans des dilemmes un peu plus... Joyeux, voilà. On va passer aux glaces. Les glaces. Ah ouais. Alors, chocolat. Est-ce que vous préférez... Deux options. Option A, ne mangez qu'un seul parfum de glace jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'avez pas le droit de prendre un autre parfum. Ok, sinon on explose. Option B, à chaque fois que... Enfin, vous pouvez prendre tous les parfums que vous voulez, mais par contre, les parfums que vous avez, c'est au hasard. C'est-à-dire que quand vous dites « je voudrais une glace vanille chocolat », vous obtenez deux boules, mais ça n'est pas du tout vanille chocolat. Ouais, mais ça, peut ça être reste n'importe des quoi. Trucs comestibles, c'est pas ta merde. Bah si tu veux, ça c'est... Oui. Non, mais t'imagines, si tu tombes sur de la glace au caca... Non, on va dire que ça reste comestible, ouais. Ouais d'accord, ouais. Ok. Après, il y a déjà qui mangent de la merde. Hein. Ouais, mais... Glace, moi je crois que je préfère un seul parfum. Moi, et je mets des toppings, tu vois. Ouais, moi je fais tous les choix, moi. D'accord, toi tu préfères le chaos. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais, on voit déjà des choses se dessiner. Voilà. Déjà au bout de 10 minutes de chronique. Alors, autre dilemme, option A, vous pouvez voler à 1 mètre du sol très lentement. C'est un super pouvoir qu'on vous donne. Ouais. Lentement, genre 6 km/h? Ouais. Et option B, vous pouvez courir très vite, mais uniquement en ligne droite. Donc là, il n'y a pas vraiment de négatif, c'est juste un choix. C'est pas vraiment un dilemme, ça d'ailleurs. Ça dépend où tu habites en fait. Si tu habites à New York, il n'y a pas de problème parce que tout est en ligne droite. C'est mais vrai. Si t'habites à Nancy, un peu chiant. Ouais. Donc tu prendrais voler, toi. Rue de la Commanderie, c'est mort. Ouais. Ça tourne un peu. On n'y pense pas assez souvent à la rue de la Commanderie. Alors, t'arrêtes de courir et tu tournes, mais bon. Ouais, ouais. On va faire des choix. Ouais. Mais voler, mais très lentement, quel intérêt. C'est cool, quoi. T'es cool. Montgolfière. Ouais. Montgolfière. Ouais, mais tu voles à 1 mètre du sol. C'est une montgolfière, très mongole. Mais fier. Mais super fier. Petit dilemme, j'ai envie de dire de course. Vous allez faire vos courses. Est-ce que vous préférez être obligé d'avoir exactement le même panier à vie? Quelle horreur. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus Comment changer. Comment ça, quelle horreur? Oh, le même panier. Vous choisissez des aliments et vous n'avez plus jamais le droit. C'est pas le contenant. Autre chose. Non, c'est pas je le contenant. Je me dis un panier en osier. Bon, bah voilà, toute ma vie, j'ai un panier en osier. Donc soit vous prenez exactement les mêmes articles au supermarché, quoi qu'il arrive, soit à chaque fois que vous y allez, quand vous passez en caisse, vous êtes derrière le mec qui a 30 bandes de réduction à faire valoir avant vous. Donc vous êtes obligé d'attendre une demi-heure en caisse, quoi qu'il arrive. J'attends. Ah ouais, je préfère attendre aussi. Hein. Au pire, je commande, c'est bon. Ah ouais, non, j'attends. Non, mais si tu commandes, non, t'as pas le droit de commander. Non, mais non. Si tu commandes, t'as pas le droit, en fait, mec. C'est triché. Oui. Non, j'attends une demi-heure. Oui, je crois aussi. C'est bon, quel plaisir, des fois, de se faire des plaisirs. Si tu commandes, ton internet cesse de fonctionner pendant 30 minutes avant que tu puisses. Oui, mais ça, c'est dès que tu commandes, c'est ça. Mais il va faire autre chose à la place pendant ces 30 minutes, donc non. Alors que là, t'attends, tu vois, t'es vraiment super. Non, mais j'attends. Ouais, pareil, je crois que je préfère attendre. D'accord, vous aimez bien changer vos mais bourses. Mais c'est ça la vie. Mais l'ennui, sinon, la vie, c'est changer les trucs qu'on prend en course. Oui, c'est. Ouais. Entre autres. Et ouais. Toi, tu fais quoi? Ah non, mais t'imagines si tu mangeais toute ta vie toujours. La polenta. Ouais, il y a quand même des aliments qui se retrouvent très. J'ai envie de dire à chaque fois dans mon panier, moi. Oui, mais. Le même, c'est des coquillettes. Mais oui, des coquillettes. Mais voilà, mais jamais pâtes, des spaghettis. T'as 36 sortes de pâtes, oui, par ça. Exemple. Des ouais. Carottes, t'as 36 sortes de et carottes. Et des sauces, t'as 37 sortes de carottes et de voilà. Sauces. Par exemple, le riz, je suis désolé. Ah bah, mais alors, on en parle. Non, monsieur. Le riz gluant, le riz long. D'accord. Le riz mais déjà, le riz, colo, en fonction de ce que t'as, tu peux varier la cuisson, d'une part. Et d'autre part, très franchement, le riz, tu ne le manges jamais pour le riz en lui-même. Tu le manges. Toi, non. Ok, et le riz gluant que je fais. J'en mange pas des masques. Oh là là. Et c'est aussi pour dire que tu peux. C'est clair que c'est bien. C'est clair que c'est bien de faire différents types de riz. Mais tu peux contourner le truc sans être trop. C'est pas le riz. Le riz noir. Si. justement. Bon, bah écoutez, très bien, très bien. Écoutez, non, t'as le droit de faire tes choix. C'est un dilemme, hein, c'est aussi ça qu'on aime bien. Ça apporte un petit. Voilà. Ça ouvre le débat. Voilà. Ouais, mais tu fais ça un quart d'heure de la fin de l'émission. Enfin, je veux dire, on va là, s'énerver. Tu ouvres un débat, là. Alors, on va revenir sur des choses qui vont un peu plus vous prendre la tête. Ouais, merci. Mais qui, moi, me passionnent et qui, vous allez voir, rejoignent beaucoup de choses. C'est le dilemme du prisonnier. Vous devez connaître le dilemme du prisonnier, quand même. Pas du tout. On va lui parler de ça. Très bien. C'est un dilemme qui a été énoncé par Albert W. Tucker à Princeton. Et je vais vous le soumettre. Encore une fois, c'est un dilemme qui suppose des choses très normées, normatives. C'est des règles très précises, c'est ça que je veux dire. Pas commandé, quoi. Vous avez deux prisonniers qui sont complices d'un crime. Et ils sont retenus dans deux cellules séparées. Et ces deux cellules ne peuvent pas communiquer. Donc, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Et l'autorité pénitentiaire, elle arrive devant dans chacune des cellules et elle dit aux prisonniers la chose suivante. Alors, soit vous taisez. Si, enfin, vous avez le choix entre vous taire et dénoncer votre complice. Ah, moi, je dénonce. D'accord. Alors, c'est pas le dilemme. Alors, le suivant. Si vous vous taisez et que lui vous dénonce, vous prenez 10 ans de prison. Ouais. Si vous le dénoncez et qu'il se tait, donc c'est lui qui prend 10 ans et vous, vous êtes libre. Bah voilà. Si tous les deux vous vous dénoncez, si vous vous dénoncez oui, tous les deux, oui. Vous prenez 5 ans tous les deux. Ok. Et si tous les deux vous taisez, vous prenez seulement 6 mois de prison. Ouais. D'accord. Donc en fait, dans ce jeu, ouais. Objectivement, si on peut communiquer, on se tait tous les deux et on est très bien. Bien ouais, sûr, voilà. On est très bien. Et l'absence de possibilité de communiquer fait que. Parce que si je dénonce et que l'autre se tait, je sors. Ouais, c'est ça. Ouais, je sors, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Compte 6 mois. Alors là, pour le coup, je pense que je me tairai. Ah, bah là, tu viens de changer de réponse. Ah, mais clairement, non, mais parce que j'ai donné mon jugement avant la fin de l'énoncé. C'était biaisé, quoi. Voilà. Donc toi, tu te tairais dans cette situation. Ouais. Ok. Ouais. Risque de prendre 10 ans. Bah attends, c'est ton collègue, c'est ton copain, c'est qui ce mec à côté? C'est ton complice, mais après. Ton complice, c'est ton ref. Tu le connais quand même. Bah oui. Tu le connais, bah t'as probablement fait un crime avec lui. Est-ce que c'est ton ami? Je ne sais pas. C'est ton, en tout cas, ton collègue de complice de. Enfin, ton complice de guerre, de crime. Je me tais. Ton complice de collègue. Ton complice de collègue. Bah je pense que je me tais, mais ouais, ça me travaille, à mon avis. Hein. Oui, alors je crois qu'il y a une solution mathématique, malheureusement je ne l'ai pas écrite, puisqu'en fait ce paradoxe est à la base de ce qu'on appelle en mathématiques la théorie des jeux. C'est-à-dire que quand vous mettez un jeu comme ça avec des données claires et qu'on peut ressortir une solution à ça, c'est l'étude une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des jeux. Et ce mécanisme-là, ce dilemme du prisonnier, on peut le retrouver dans plein de choses, par exemple la guerre froide. Ah oui. Dans la guerre froide, chaque superpuissance se dit, si je développe pas l'arme nucléaire, l'autre va en profiter, donc je développe, et ça, c'est ce qui a donné l'escalade. La surpêche également, chaque pêcheur se dit, si je ne prends pas ce poisson, un autre le prendra, etc. Voilà. Ou le dopage. L'IA. Le dopage sportif. Le billet ou l'IA, de 100 euros par terre. Et ce dont je voulais parler... C'est quoi le dilemme du billet de 100 euros par terre? Là, si je le prends pas, il y en a un autre qui va le prendre. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas une escalade de... Attends, tu trouves un billet de 100. Il n'y a pas vraiment de risque, en fait, à le prendre, le billet de 100. Ouais, c'est juste qu'il prend 100 balles. Mais il est radioactif. Voilà. Là, il y a un vrai dilemme du prisonnier. Et je voudrais en terminer justement sur ce dilemme. Est-ce que vous connaissez l'émission britannique de télé Golden Balls? Pas du tout. Non. En fait, c'est une émission... Les boules d'or. Les boules d'or. Une émission où, en gros... Qui a la boule d'or? Il y a un petit... Motus, quoi. Il y a deux candidats qui arrivent en finale avec une cagnotte. Bon, il y a des critères de sélection, mais bon, bref, ils arrivent à l'épreuve finale avec une cagnotte, disons 100 000 euros. Oh. Et chacun a devant lui deux balles dorées. Une marque, une où il y a écrit split, ce qui veut dire partager, et une où il y a écrit steal, ce qui veut dire voler. Ouais. Et de la même manière que dans le dilemme du prisonnier, si les deux choisissent split, c'est-à-dire partager, ils vont partager et avoir 50 000 chacun. Si l'un des deux choisit steal et l'autre split, celui qui a volé aura 100 000 euros et l'autre zéro. Et tous les deux choisissent de voler, aucun ne gagne. Et donc ça, c'est les règles du jeu. Et la différence ici, c'est qu'on les laisse, on leur laisse un temps de communication. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de délibérer entre eux, de bluffer, de dire ce qu'ils veulent. Oh. Bien comme jeu. C'est très, très compliqué hein, quand même. Bah, surtout que derrière, tu vas te taper une sacrée réputation parce que t'es quand même vu par beaucoup de monde. C'est ça, exactement. C'est pas comme si tu faisais en catimini. Il y a plein d'exemples. Après, c'est le but du jeu. De personnes qui ont l'air très sincères. Genre, t'inquiète pas, on va partager, je suis sincère, ouais. machin, et qui finissent par choisir la boule volée. Et ce dont je voulais parler, c'est qu'il y a un candidat qui a eu une stratégie absolument hallucinante. Mais non. Il a démarré, il a pris le lead sur la discussion d'entrée de jeu, et il dit à son autre candidat, il dit, écoute, moi, je vais choisir volée, je vais choisir style. Quoi qu'il arrive, je te le dis, je vais choisir style quoi qu'il arrive. Donc ta seule solution, c'est de mettre split, donc de mettre partagé, de me laisser gagner les 100 000 euros et je te garantis qu'on partagera après l'émission, je te ferai un chèque de 50 000 euros. Oui, il partage pas alors avant. C'est ce que lui a dit l'autre. L'autre lui a dit, mais non, mais à ce moment-là, autant partager tout de suite. Et il lui dit, non, je ne le ferai pas. Je te le dis tout de suite, je ne le ferai pas. Tu peux pas me convaincre. Je choisirai style, quoi qu'il arrive. Wow. Donc, il était ultra déterminé dans cette direction-là. L'autre était dégoûté, en fait, parce qu'il n'a aucun moyen de garantir qu'il va lui partager la somme après. Bah ouais. Hein, il a aucun moyen. Le présentateur lui dit, d'ailleurs, dans l'émission, on n'a aucun moyen de le garantir. Donc, voilà, vous le savez. L'autre était dégoûté, il se dit bah en fait si je choisis style bah je vais avoir zéro, donc la seule chance que j'ai, se dit l'autre, c'est de mettre split en fait, de mettre partagé, ouais. et de rentrer dans son plan ouais. dans lequel il m'a forcé. Et au moment de la révélation, split, ils ont tous les deux, l'autre avait menti, il a mis split et ils ont partagé la somme. Il a réussi à garantir via sa confiance de partager la somme et ainsi de gagner 50 000. Par contre, le refill devait être fou, j'ai envie de voir ce moment. Je vous invite à regarder, c'est disponible sur n'importe quelle plateforme. Ça s'appelle comment, Golden Balls. Golden okay. Balls, effectivement. Ça doit être cool ça. Hein. Style, voilà. Voilà pour les dilemmes, un petit peu dans tous les rayons, j'ai envie de dire. Ah ouais. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Oui. Et il se garde le meilleur bed. Le meilleur bed pour le vocabulaire. C'est le vocabulaire. Vous l'avez tant aimé. On est vraiment sur une émission littéraire. Y est, le dilemme. Heureusement que je suis là pour parler. Très devant. Frooster Rimbaud. Et Zola. Alors, des mots que je vous dis, à vous de me donner la bonne définition du mot. J'ai déjà perdu Jocelyn qui est déjà en train de faire autre chose parce qu'il sait façon c'est pas son truc. La barbe tricheur, je connais pas moi. C'est le truc. Eh ben, on va commencer par un facile. Alors désolé de te mettre la pression. Bah, jugulaire, c'est quoi? C'est une artère. Bravo. J'ai ça, ouais. Oui, bravo. Oui. Inénarrable. Oui. Inénarrable. Inénarrable. Ouais. Ce n'est pas racontable. Ouais, bien. Bravo. Ouais. Très bien. Alors, une deuxième. Exégèse. Exégèse, c'est l'analyse des évangiles, l'exégèse à la base. Alors, c'est un exemple, effectivement. C'est l'analyse d'un corpus de texte de quelqu'un, de la production de quelqu'un, quoi. Ouais, alors, mais pas, c'est pas que pour l'évangile, hein. Peut-être qu'on l'utilise pour l'évangile, mais c'est une interprétation d'un texte. Ouais, ok, voilà. Trop stylé. Ouais, j'ai fait une fort, exégèse hein. de... Bon, on va voir si isagogique, ça te parle plus. il se trouve que isagogique, je le connais. En Slovaquie. J'ai dormi chez lui. Le vendeur d'ogives. Mais non. Isagogique. On dit isagogique d'un discours, un discours isagogique. C'est-à-dire qui tape dans tous les sens. Ni queue ni tête. Non, pas du tout. Ça concerne l'introduction de quelque chose. Ah, c'est un discours qui va parler du nazisme. Non. Ouais, je vous le donne. L'introduction d'un sujet à un sujet. Ce qui concerne l'introduction à un sujet. Donc, par exemple, un discours isagogique. On parle de quelque chose et puis c'est l'occasion de parler de ça. Et hop, là, c'est un discours isagogique. Bah, est-ce qu'on peut dire que ma chronique a été un discours isagogique sur la théorie des jeux et les dilemmes? Si tu veux. Ok, tu n'as pas vraiment bien compris. C'est un mot à double sens, en fait. plusieurs définitions. Bon, voilà, oui. Oui, il nous prend des mots au hasard, il les a même pas travaillés, il lit la définition. Il les a écrits, les mots, il a mis des lettres. Clairement, je suis sur une application sur TikTok, là, et qui est très bien foutue. On peut scroller. Voilà, c'est. Alors, servile. Servile, c'est sur le service. C'est qui obéit. Justement, quelqu'un de servile. L'exemple, c'est un serviteur servile. quelqu'un qui obéit facilement, quoi. Un bon exécutant. Alors, c'est plus précis que ça. C'est il manifeste un excès de courtoisie. Oh, c'est un faux cul. Madame. Ah, bah, s'il vous plaît. Ah, mais quel bon choix vous avez fait, là. Oh, alors, celui-là, attends. Mais il faut que je le prononce bien. Eburnéenne. Oh, je vous vois venir. Eburnéenne. Oh, est-ce que ce serait pas un nom d'habitant d'une ville? Non, genre c'est relatif. De Ébourg. Genre... Les Éburdéens et les Éburnéennes. Ah ouais, c'est beau. Et non. À Édimbourg. Non, ça aurait été trop facile. Okay. C'est relatif à une couleur, mais quelle couleur? Eburn. Auburn. C'est quoi la couleur Auburn? Rouge. Je sais pas, c'est rouge. Violacé. Bordeaux, hein. Là, un peu. Ouais, c'est violace. Non, c'est pas, on n'est pas sur du rouge. Ah ouais? Ça s'apparente à un animal, d'ailleurs. La burne. L'émeu. Non, pas du tout. Non. La burne sauvage. On dit couleur, talin, qui est une partie de cet animal. Le cul de chimpanzé, rose. Eh oui. Voilà. Et burnéenne, c'est quand t'as un cul bien rouge. Non, c'est pas ça du tout. Ça aurait été dingue. Et burnéen. Oui, donc rien à voir avec les burnes. Donc, on est d'accord que c'est censé... Ah oui, j'avais pas pensé. C'est censé être un adjectif dérivé d'un animal, on est d'accord. Le mot burn. D'une partie d'un animal. Ah, une partie d'un animal. Ouais, qui se trouve en Afrique. La partie se trouve en Afrique. La langue d'une girafe. La quoi? La langue d'une girafe. C'est quelle couleur? Bleu. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai, non. Ouais. Non, mais beaucoup plus classique. C'est quelque chose de... Ah, c'est la corne. Une corne de ce gazelle. De ce gazelle. Non, c'est une corne. C'est une corne. De skibidi. Une corne d'antilope. C'est une défense, même, on va dire. Une défense. D'éléphant. D'éléphant, et donc c'est couleur ivoire. Couleur ivoire. Mais voilà. Et burnéenne, c'est de couleur ivoire, effectivement. C'est beau. Bon, en tout cas, je le savais, pour une fois. Oh là là, ça y est. Nyctalope. Ah bah oui, qui peut voir dans la nuit. Bien sûr, qui voit dans l'obscurité. Exemple, il est nyctalope. Oui, alors c'est un super exemple. J'en ai un autre, elle est aussi nyctalope. J'adore ces exemples-là. Mais oui, bon, c'est les chats sont nyctalopes. Ça, c'est trop facile. Il y a un autre nom, c'est... Non. Non, j'avais pas le droit. Il y a nyctémère aussi. Oui. Nyctémère, ça veut dire, je crois, qui vit la nuit. D'accord, ça doit être ça, ouais. Onomatolâtre. Onomatolâtre. Ah là là, si seulement j'avais écouté dans les cours de latin, je pense que je l'aurais, celui-ci. Bah, onoma. Onoma, c'est comme onomatopée. Bah oui. Et bah justement. Ça n'a rien à voir. C'est truc... qui aime les onomatopées. Ah d'accord. Ah ok, donc on devine plus. Et c'est là que là, je suis sec parce que je ne sais plus c'est quoi. Onomatopée, c'est... Waouh. Ah oui, bah voilà. Badaboum. Donc, je pense que je suis onomatolâtre. T'aimes les... T'adores les onomatopées? Ah ouais. T'en fais pas tant que ça. Non. Mais il les collectionne, il les écrit. Par contre, je ne suis pas Kakoshim. Kakoshim, Kako... T'as su Kakoshim ? C'est quelqu'un qui parle énormément. Je peux te dire que je pense que je peux l'écrire. Vas-y. Ah oui ? Non, je pense que je peux pas. C-A... Ouais. Kako. Okay. Kakoko. C-O-C-H-Y-M-E. Ouais ! Ok. Bravo ! Chim, de chimère. Ok. Kako de... Cacolac. Ouais, de... Oui, c'est ça, c'est de la parole. C'est cacophonie, Kako... C'est... Franchement, c'est... Alors, c'est en mauvaise santé. Voilà. Ah. Et l'exemple, c'est... Il est Kakoshim. Tout simplement. Très bon pourquoi exemple. Pourquoi s'embêter? Voyons. Xylophage. Xylophage, c'est-à-dire qu'il mange du bois. Oui. Mais oui, bravo. C'est ça. Ah, c'est du latin. Xylo, le bois. D'où le xylophage. Mange. Voilà. Ouais. Les termites sont des xylophages. Oui, voilà. Très bon exemple. Et oui, bah oui. Il est xylophage. Oui. Pan historique. Pan historique. Bah, qui reprend l'histoire complète. Oh oui, qui concerne l'histoire universelle. Ouais. Ok, du latin pan. Pan, qui veut dire l'œuvre aborde tout. Des sujets panhistoriques. On parle de pansexualité. C'est les gens qui sont attirés par toute forme de. Ou de panéton. Oh, oui, oh, ouais, d'accord. Non. Alors, il y a eu un délai de. Un petit dernier pour la route, abstem. Abstem, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Alors, toi, tu devrais savoir ce que c'est, Jocelyn, en plus. Abstem, et moi, je ne suis pas abstem. C'est abstinent. Ça vient d'abstinent, ceux qui ne boivent pas. Quoi? De l'alcool. Ouais. Bravo, qui s'abstient de boire de l'alcool. Et l'exemple, c'est... Il est abstem. Abstem, et ouais. Abstem-ne ou abstem-me? Attends, je vais donner le nom de abstem-me. La page sur TikTok s'appelle... Parle avec éloquence. Voilà, et je vous la conseille parce que c'est plein de On va pas la regarder, sinon on sera spoilé tes chroniques. Ah, il y en a de pléthore. Manière. Il y a ouais, pléthore y a de... Pléthore qui veut dire... Beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple. Effectivement. Et ben, par il exemple... Est pléthore. Il est pléthore. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Et c'est déjà la fin de cette émission. Il est presque 19h, mais non, il fait nuit. Comment on va rentrer à la maison? Bah oui. Allumez les phares. Allumez les phares. Heureusement, donc, nous sommes Nyctalope. Et, voilà. Et on ne marche pas à plus de 6 km/h dans la rue. Donc tout va bien. Donc, demain soir, vous pouvez aller au Bar Le Cristal pour. Vous devez. Concert de jazz et cocktail. Voilà. Et à juste après, à 20h30, MJC Étoile, Stan Cup, improvisation théâtrale. Voilà, le lendemain, samedi, à 20h30, il y a... Théâtre de la Source, Tomblaine, improvisiaque, match d'improvisation théâtrale. Voilà. Et Théâtre le 10 à Luxembourg, rue Dunedorf, c'est mon spectacle absurde. Et le lendemain, à 15h, à Gravelotte, toujours mon spectacle, juste à côté de Metz, si avec ça vous avez pas... Oui, termine, t'as dit 5 secondes. Un joyeux anniversaire à Laurent, qui est aujourd'hui. Ciao Laurent,